émission pour les fous de la musique. Mathieu Lajoie au micro pour vous servir. Mélomanes, édition du 7 octobre 2015. Écoutez tout un show ce soir, un doublé, un spécial Surf and Turf. En passant, gros merci pour vos beaux commentaires de la semaine dernière. Je vais vous lire quelques appréciations que j'ai eues. The best radio show there is, New York Times. Two thumbs up, Siskel and Ebert. Et Mélomanes a changé ma vie, la presse. Non, mais sérieusement, je suis très content que vous ayez embarqué encore une fois dans quelque chose d'aussi différent qu'un spécial folk. Et vous ne serez pas en reste cette semaine avec le doublé Surf and Turf. Donc, la première partie de l'émission, on va se consacrer à l'excellente musique soul de l'étiquette de disque Stax. Et on aura droit ensuite au meilleur spécial de musique instrumentale surf de Mémoire d'Homme. Rester jusqu'à la toute fin, ça n'aura jamais autant valu la peine. Donc, tout d'abord, je sais pas si vous avez remarqué, Méloman n'a pas le même thème ce soir. On entend en ce moment une pièce qui nous provient de chez Stax, qu'on a déjà entendue à l'émission. Donc, je me permets de parler par-dessus. Il s'agit du groupe des Marquis et leur morceau instrumental Last Night de 1961. Et pourquoi je fais pas jouer le même thème ce soir? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de meilleure façon, selon moi, de vous présenter le son brut de l'étiquette Stax qu'en vous faisant jouer la pièce la plus connue du groupe maison du studio de Memphis. J'ai nommé Booker T and the MGs, qu'on va entendre fatalement tout au long du spécial, parce qu'un peu à l'instar des Funk Brothers chez Motown au même moment, Booker T. Jones et les MGs vont jouer sur une grande majorité des disques qui vont sortir de chez Stax dans les années 60 et 70. Et en passant pour les puristes, on va s'attaquer au son de Memphis en général, pas juste à Stax, mais aussi Atlantic Records, qui de toute façon était affilié. Alors tout ce qui gravite autour de ce fameux son soul du sud des États-Unis, qui avait pour principal rival l'étiquette Motown de Détroit. On commence donc avec le thème de l'émission qu'on écoute en entier pour la première fois de l'histoire de Mélomanes, dans un son typiquement Stax, Green Onions au 99.1 CFNJ. We'll be right back.

99.1 et 88.9 CFNJ. De retour à Meloman au 99.1 et 88.9 CFNJ en plein spécial Surf and Turf, duquel on couvre en ce moment la partie turf. En fait, on aurait dû appeler ça un turf and turf, mais bon. Soit le son de Memphis, nous provenant en majeure partie de l'étiquette de disque Stax. Ça a l'air bien pointu et compliqué comme ça, mais dans la réalité, je suis pas mal sûr que vous connaissiez la plupart des chansons qu'on vient d'entendre. Et justement, celui qu'on vient tout juste d'entendre, pour ainsi dire le roi de chez Stax, Otis Redding, en 1968, avec ce qui doit être son plus gros succès en carrière, « Sitting on the Dock of the Bay », une chanson qui vient avec une histoire bien triste, malheureusement. Otis Redding l'a enregistré à peine 2 jours avant sa mort intempestive dans un écrasement d'avion au jeune âge de 26 ans. Imaginez, fait qu'il n'a jamais eu connaissance finalement de toute l'ampleur que le succès de sa chanson allait prendre. Et Otis Redding, je vous en ai déjà parlé, un artiste qui mettait littéralement le feu aux planches partout où il passait. Je vous encourage fortement à le découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et tout ça était précédé d'un autre pilier de chez Stax, Wilson Pickett, qu'on a entendu la semaine passée avec Mustang Sally. Cette fois-ci, c'était Land of a Thousand Dances de 1966 avec son célèbre refrain que vous connaissiez tous. Et juste avant, la grande dame de chez Atlantic Records, qui fréquentait de près les gens de Stax, Aretha Franklin, avec son méga succès Respect de 1967, chanson composée d'ailleurs par ce cher Otis Redding, mais c'est quand même à Madame Franklin à qui on doit le bout R-E-S-P-E-C-T et évidemment son interprétation légendaire qui va faire de Respect un des classiques incontestés du genre. Chanson que vous deviez tous connaître aussi. Et on va maintenant aller voir ce que Stax avait à nous offrir dans les années 70. Mr. Big Stuff de Gene Knight en 1971 sur les ondes du 99.1 CFNJ. Oh, Falling On vient d'entendre Johnny Taylor au 99.1 CFNJ, toujours à Méloman en plein spécial Stax, la chanson Who's Making Love en 1968, une pièce sur laquelle on peut entendre en arrière-plan le groupe de Booker T. Jones dont on a parlé tantôt, et un certain Isaac Hayes au clavier. Isaac Hayes, qu'on a entendu juste avant avec le thème du film de Blaxploitation Shaft de 1971, une pièce bien typique des années 70 avec les guitares wah-wah. Et Isaac Hayes, on va en reparler tantôt, vous allez voir, il est omniprésent autant que Booker T. Jones et les MGs. Et on retourne de suite en musique avec la légende du blues Albert King, qui a fait un de ses albums les plus influents un des albums les plus influents du genre du blues chez Stax en 1967, soit l'album Born Under a Bad Sign, avec la chanson Personal Manager. Albert King, qui se trouve à être un des trois kings du blues, avec B.B. King et Freddie King, qu'on a entendu il n'y a pas longtemps à l'émission. Et je vous apprendrai rien sûrement si je vous dis que la soul music vient en grande partie du blues. Mais tout d'abord, on écoute une chanson de 1966 qui va redevenir un succès par Amy Stewart en 1979. Eddie Floyd avec Knock on Wood au 99.1 CFNJ. I wanna do everything I can for you. I wanna be your personal manager, babe. I wanna do everything I can for you. Yes, I wanna be right there beside you, little girl. When all of your so-called friends are through. Contact, baby. You know all your worries is over for you. If you sign my contract, baby, you know all of your worries is over for you. Milkman every morning, your ice cream man when the day is through. I wanna be with you, baby. Stay at home. You can rest for sure, little girl, that I won't let nothing go down. I wanna be your personal manager, baby. I wanna do everything I can for you. Yes, I wanna be your milkman every morning. Your ice cream man when the day is through. That's right. I'll take them all to the business. You won't have to worry about a thing, just they did. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, c'est Mélomanes avec Mathieu Lajoie. girl, you're gonna love. You can't do the penguin unless you shuffle your feet. When you do the funky penguin, I'm no sorry. Do the funky penguin, do it right now. Do the funky penguin, do it right now. Shabby, diamond, who that? Some people are made of wood. Some people asking me. What you see? What you see? It's what you get. It's what you get. I mean, what you see? What you see? It's what you get, my baby. Et 88.9 CFNJ. Retour à Mélomane, partout dans la Naudière, en plein cœur d'un spécial Stax. On vient d'entendre du Smooth Soul avec les Dramatics en 1972 et leur succès What You See Is What You Get, tiré de l'album du même nom. C'était précédé de l'unique Rufus Thomas avec son Do the Funky Penguin de 1971, une pièce funky à souhait. Rufus Thomas, qu'on va réentendre plus tard à l'émission, et juste avant, Sam and Dave, qu'on ne pourra pas faire autrement non plus de réentendre plus tard, c'était de loin leur plus gros succès, Hold On, I'm Coming, en 1966. Une chanson qui a été coécrite par Isaac Hayes, qu'on a entendu tantôt sur un fond musical des Marquis et de Booker T and the MGs, encore les deux premiers groupes qu'on a entendus ce soir. Et un fait cocasse, le titre de la chanson serait venu spontanément à Isaac Hayes et David Porter quand l'un disait à l'autre de se dépêcher de revenir du petit coin pour compléter leur composition. David Porter aurait répondu quelque chose comme « ça sera pas long, je m'en viens », ce qui se trouve pas mal à être le titre de la chanson. Donc, petite anecdote comme ça en passant. Et c'est aussi une chanson qui a été abondamment reprise par la suite et qui a joué dans bien des films. On peut penser au premier film des Blues Brothers, entre autres. Et on poursuit en musique la soul music. Aimez-vous la bonne musique? C'est Carter Conley nous demande en 67, une chanson coécrite encore par ce cher Otis Redding. Sweet soul music au 99.1 CFNJ. Good music, that sweet soul music, just long and it's sweet, yeah. Oh yeah, oh yeah, we out here on the floor, y'all, I'm going to a go-go, dancing with the music, oh yeah, oh yeah, spotlight on Lou Rawls, y'all, I don't need the boss, y'all. Love to hurt a thing, y'all. Oh yeah, oh yeah. Spotlight on Sammy Davis, y'all. Oh, don't they look great, y'all? Singing home on our comet. Oh yeah, oh yeah. Spotlight on Wilson Pickett now. That wicked, wicked picket. Singing Buster. Jane Brown, y'all. We're I'm telling about what Shirley said, you know. Hey, in other words, what the preacher said was nothing about honor and evil faith and things. You gonna have faith in me, you know. I ain't a man. But Shirley's not that friend, honey. Well, here, let me tell you something. I don't want y'all to come to my house no more. I don't want to come over. Hey, look. Oh, hey, I guess I am. I'm telling y'all I want it. I don't want that. Well, look here. I never tell you this here. Look, look. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. C'est Mélomane avec Mathieu Lajoie. CFNJ 99.1 99.1 CFNJ, vous êtes toujours au spécial Surf and Turf de Mélomane en pleine portion Turf, soit la musique soul du label Stax de Memphis. Et si vous doutiez qu'il s'agissait de musique soul, eh bien on vient de le confirmer dans le dernier bloc. Soul Man de Sam & Dave en 67, The Soul Children en 72 avec la chanson Hearsay. Et c'était précédé du premier succès du groupe des Barkees, à ne pas confondre avec les Markees qu'on a entendu plus tôt, avec la chanson Soul Finger de 1967. Donc, soul, soul, soul, de bord en bord. Et la chanson Soul Finger, qui, en passant, citait un peu Mary Had a Little Lamb. Pardon, Mary Had a Little Lamb. Au début, une chanson qui va apparaître dans le film Spies Like Us, qui met en vedette Dan Aykroyd et Chevy Chase en 1985. Dan Aykroyd, qui va aussi reprendre la chanson carrément sur un album des Blues Brothers, aux côtés de John Belushi. Et ils vont aussi reprendre Soul Man de Sam and Dave, d'ailleurs. Une chanson encore écrite par le fameux Isaac Hayes et David Porter, qui vont s'inspirer de tout le mouvement afro-américain des droits civiques, dont Martin Luther King va être une des figures les plus célèbres, et aussi des émeutes dans les rues de Détroit en 1967. Donc, Soul Man, et le soul en général, qui devient bien plus qu'une musique, ça devient une espèce de cri de ralliement pour toute la communauté noire américaine des années 60, qui lutte contre tout ce qui s'appelle ségrégation raciale, bien sûr. Alors, tout un contexte sociopolitique qui entoure cette musique à laquelle on rend hommage ce soir. On poursuit avec deux noms qu'on a déjà entendus ce soir, mais que voulez-vous? Deux véritables piliers de Stax Records, Wilson Pickett, suivi de Rufus Thomas au 99.1 CFNG. Météo. Pour les prochaines heures, on prévoit un dégagement avec un minimum de zéro. Jeudi, du soleil, maximum 11 degrés, et pluie pour vendredi avec un maximum de 10. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, des nuages pour les prochaines heures, un minimum de moins 1. Jeudi, ensoleillé, maximum 9 degrés, et pluie intermittente vendredi, maximum de 10 degrés. CFNJ He touched the sky, he touched the sky. Never got back till the 4th of July. Walking the dog, just a walking the dog. If you don't know how to do it, I'll show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Mary, Mary, quite contrary. Tell me, how does your garden grow? You got silver bells and you got cockle shells. Pretty maids all in a row, walking the dog. Just a walking the dog. If you don't know how to do it, show you how to walk the dog. Come on now, come on, come on. Oh, oh. Just a walking. Just a walking. Just a walking. yes you can. When they talk about making love, baby, you're the best, but yes you are. I don't want to brag about you too much and give others ideas, but I'm trying hard to express myself. But baby, that's the way I feel, and that's what love will do for you. That's what love will make you do. Yeah, that's what love will make you do, au spécial Stax de Méloman à CFNJ 99.1 et 88.9, avec vous partout dans la Nodière. Une pièce plus bluesy, même on pourrait dire funky, pour Little Milton en 1972. Et on était dans le plus obscur un peu avant avec Private Number de 1968 par Judy Clay et William Bell. Et c'était précédé de Rufus Thomas, qu'on avait entendu plus tôt, mais là, c'était vraiment son plus gros hit, Walking the Dog, en 1963. Une chanson que les Rolling Stones vont reprendre sur leur tout premier album, leur tout premier long jeu, un an à peine plus tard. Et on continue tout de suite avec une chanson que Mick Jagger a reprise justement sur son album Wandering Spirit. Une reprise qui est pas mal du tout, disons que c'est pas ce à quoi je m'attendais quand même, un album des années 90. Mais je vous avertis, la version originale est excellente, mais on va se dire les vraies affaires. Faut avouer que la guitare est un petit peu fausse au début de la pièce, mais ça se place en un rien de temps. Et le meilleur spécial surf de tous les temps qui approche à grands pas, restez là, faut pas manquer ça. On écoute Friedrich Knight en 1972 avec I've Been Lonely for So Long au 99.1 CFNJ. Like happiness will come along. I've been lonely for so long. Don't seem like happiness will come along. These ain't rain clouds over my head. Everybody's throwing rocks in my bed. Just can't seem to get ahead in life. Ooh, nothing I do ever turn out right. Won't somebody help me, please? 'Cause I've been lonely for so long. Don't seem like happiness will come along. I've been lonely for so long. Don't seem like happiness will come along. I lay awake every night trying to figure out how to make things right. There's got to be a better way. I know to shake this monkey off, 'cause he's making me so. Won't somebody help me, please? Yes, I know what it feels like to be lonely, to have your friends turn their backs on you. Yes, I've been lonely, to never know the real meaning of peace of mind. Yes. Trying to figure out how to make things right.

99.1 et 88.9 CFNJ. I've been loving you too long to stop now. And you want to be free. My love is growing stronger as you become a habit to me. Ooh, I'm loving you too long. I don't want to stop now. You, my life has been so wonderful. I can't stop now. You're tired, and your love is growing cold. As our affair grows, I've been loving you, oh, too long to stop now. Oh, oh, oh, I've been loving you. De retour à Méloman au 99.1 CFNJ. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On vient d'entendre à nouveau ce cher Otis Redding, véritable figure de proue de l'étiquette Stax, à côté de qui on peut tout simplement pas passer, tiré du magnifique album de 1965, Otis Blue, la chanson I've Been Loving You Too Long. Une chanson qui a été reprise par tout le monde, des Rolling Stones jusqu'aux White Stripes plus récemment. Et c'était précédé des Staples Singers en 1972 avec I'll Take You There et de Baby de Carla Thomas en 1967. Mais là, je sens que vous êtes en manque de musique surf et ça sera pas très long. On peut partir le décompte parce qu'on entame notre dernier bloc soul à la Stax. Premièrement, on va finir avec un groupe qu'on a entendu tantôt, soit Booker T and the MGs, groupe maison de Stax et aussi de Méloman, puisque c'est eux qui font le thème de l'émission. C'est donc, je pense que c'est donc naturel que ce soit à eux de boucler notre spécial Stax avec Melting Pot en 1970. Mais juste avant, on va entendre la note la plus haute qui est poussée par un groupe, la plus haute de la soirée plutôt, qui est poussée par un groupe de formé de trois sœurs de Chicago qui ont travaillé avec Isaac Hayes et David Porter, fameux duo de compositeurs de chez Stax. Et enfin, ils ont travaillé chez Stax jusqu'à ce que l'étiquette de disque La Maison ferme ses portes, pour ensuite se tourner vers les gars du groupe Earth, Wind and Fire, un excellent groupe dont on va entendre ici la reprise de September par Michel Stax, qu'on entend pour aucune raison, le seul francophone de la soirée, Michel Stax, qui s'appelle Stax, donc on fait un petit clin d'œil. Mais ça a quand même rapport parce que September, la version originale, est justement une chanson sur laquelle les fameuses trois sœurs dont je vous parle ont chanté. On parle du groupe The Emotions en 1976, qui sera suivi de Michel Stax et de David Porter, dont on a parlé beaucoup ce soir, mine de rien, David Porter, qui faisait partie du duo de compositeurs principal avec Isaac Hayes de la maison Stax. Et on a entendu un extrait de la carrière solo de Hayes. Maintenant, on va entendre un extrait complètement surréaliste de celle de Porter. Et ce sera déjà franchi le seuil du meilleur spécial de musique instrumentale surf de tous les temps qu'on se retrouvera, mesdames et messieurs. Pour l'instant, on écoute The Emotions avec la chanson Flowers au 99.1 CFNG. Oh, dans la chambre, nous avons appris à s'aimer. À bout de souffle, après avoir dansé et puis chanté, moi je t'ai enlevé et les étoiles écrivaient dans le ciel danger. Au 99.1 et 88.9 CFNJ. Vous écoutez Mathieu Lajoie. Oh, you see, my darling, when love ceases to be warm, when the heat from your kisses can no longer be felt, that time says that it's over. That time says that it's no more. Oh, yes, I love you. Oh, yes, I need you. But I don't need the changes. Oh, I got to get my head. I've got to leave you now. I've got to go. I know we've been through changes, but sometimes it takes changes to build a strong love, and strong love just can't be broken. I have strong love for you, David, but if what you're saying is what you feel, then you can have your way, and I won't go any place our paths might cross. But just remember this, as long as you live and breathe, I love you, David, I really love you. Baby, it's no fun saying goodbye to someone as beautiful as you. It's no fun saying that it's over to someone who I need as bad as I need you. But I know within my soul and in my mind that it's got to be. You see, because your heart and your time is not all mine. And I've got to face it right now. And I hang my head in tears when I say these words to you. I fight the pain when I say these words to you. Oh, my baby. Oh, my baby. It's over. Over. My good thing is over. Over. The masquerade is over. Over. Oh, oh, Lord, it's over. Over. I can't find my way without you. It's over, girl. 'Cause I can't see you. I can't see you when I want to. Once I told you, you were my water. watch it turn into sand. And now it's over, over, over. Got to be. Oh Lord, it's over. And I'm not laughing. I know it's over. I'm so lonely. That you never, never, never. Oh Lord, what can I do? What can I do now the masquerade is over? Never no more. Baba, come back. We used to play just like that, girl. But no more. It's over. Get to tell you. Again, 'cause I know we're gonna play, girl. We just play once. We're gonna play, yeah. Act one. Ooh, my love. Ooh, oh yeah. For you this time, for you this time, for you this time, for you this time. I fool you, I fool you, girl. I'm willing to step this over. Oh, it's over, baby. Yes, it's over. Oh Lord, oh Lord, my. Et 88.9 CFNJ. De retour à Mélomane au 99.1 CFNJ en pleine portion surf de notre grand spécial Surf and Turf. Ironiquement, on commence ça avec un groupe qui a fait de la musique surf, mais qui n'est pas un groupe de la vague surf originale. J'ai nommé les seuls et uniques Ventures, en quelque sorte les mentors de tous les groupes surf qui vont sortir en masse de la Californie. Parce que les Ventures sont un groupe un peu plus vieux qui se spécialisait dans la musique instrumentale et non seulement la musique surf, mais là, on les a entendus tard dans leur carrière en 1969 avec le thème de l'émission Hawaii 5-0, ce qui part quand même bien notre spécial puisqu'Hawaii est la mecque incontestée des surfeurs du monde entier. Et on va aller réentendre les Ventures et d'autres exemples aussi de la musique instrumentale à venir. On s'en tiendra pas exclusivement à la musique surf non plus. Mais je vous annonce quand même que c'était un faux départ, mesdames et messieurs. Le vrai spécial, on l'amorce avec celui qu'on considère comme l'inventeur du genre propre qu'est le surf. J'ai nommé Dick Dale, qui a connu évidemment un gros regain de popularité grâce au film Pulp Fiction de Quentin Tarantino en 94. Mr. Lou au 99.1 CFNJ. We'll be right back. Au 99.1 et 88.9 CFNJ, enfin rendu à notre spécial instrumental surf. Écoutez, je suis vraiment content de vous partager tout le plaisir que j'ai eu à compiler ce spécial-là. Il y a des trucs là-dedans qui m'ont littéralement pris des années à retracer chanson par chanson, trouver les versions originales, etc., etc. Imaginez, petite tranche de vie comme ça. Tout ça commençait avec un mix sur cassette que mon oncle m'avait donné. Ça venait des vinyles originaux et cette cassette-là seulement doit m'avoir pris près de 20 ans à défricher. Déjà, il fallait que je déchiffre l'écriture de mon oncle, mais ça, c'est une autre histoire. Donc, les gros hits du genre sont à peu près tous là, des obscurités complètement déjantées et bien sûr, les belles trouvailles que Tarantino a eu le bon goût de remettre au goût du jour pour son film Pulp Fiction. Et c'était le cas de Misery Lou en 62 par Dick Dale et les Dale Tones. Dick Dale qui est considéré le principal inventeur du son surf. Et c'est pas surprenant quand on apprend qu'il restait juste à côté de l'usine de guitare Fender en Californie. Dick Dale s'adressait comme ça, tout bêtement, directement à M. Leo Fender pour lui expliquer le son qu'il voulait. Et ce qu'il voulait, c'était retransmettre en musique ce qu'il ressentait quand il surfait sur une vague. Et c'est comme ça qu'est née la musique surf. C'est les premiers groupes à jouer autant avec des effets de guitare comme du reverb démesurément profond pour donner un son mouillé à la musique, comme Dick Dale le disait lui-même. Donc aussi, Misery Lou, en passant, c'est une chanson traditionnelle du Moyen-Orient enregistrée pour la première fois en 1919 en Égypte. Donc, on a aussi entendu, après le gros hit du genre de 63, Pipeline des Chanties, ainsi qu'une obscurité extraordinaire des Creations en 64, la pièce Crash. Et c'était suivi de Ginchy par Burt Whedon, qui a plus ou moins rapport avec la vague surf, mais un guitariste très influent sur le genre. D'ailleurs, c'est un Anglais qui avait publié une méthode de guitare très célèbre qui a influencé des musiciens tels que, attention, je ne vous ferai pas toute la liste, là, mais on parle d'Eric Clapton, Brian May des Queen, les trois Beatles qui jouent la guitare, Paul McCartney, Harrison, Lennon, les Kinks, Keith Richards, Pete Townsend, Tony Iommi, Jimmy Page, et la liste continue. Bref, un guitariste hyper influent. Et on poursuit en musique avec une pièce instrumentale composée en 1945 par Arthur Guitar Boogie Smith. Et c'est justement cette chanson-là qu'on va écouter, sa plus célèbre Guitar Boogie Shuffle, dans sa version qui est la plus familière par non pas les Ventures, mais bien les Virtues en 1959. Une pièce qui part comme un blues rock and roll, mais qui surprend par son solo très articulé, presque bebop par moment. Vous écouterez bien ça. C'est une chanson très importante qui nous vient du country et je vous conseille d'ailleurs vivement la version mandoline d'Arthur Smith, Mandolin Boogie. Mais juste avant, le jeune virtuose de la batterie du temps, Sandy Nelson, en 1961 avec Let There Be Drums au 99.1 CFNJ. Météo. Pour les prochaines heures, on prévoit un dégagement avec un minimum de zéro. Jeudi, du soleil, maximum 11 degrés et pluie pour vendredi avec un maximum de 10. Et les secteurs du nord, Saint-Michel et Saint-Zénon, des nuages pour les prochaines heures, un minimum de moins 1. Jeudi ensoleillé, maximum 9 degrés et pluie intermittente vendredi, maximum de 10 degrés. CFNJ. Thank you. toujours à Méloman, à CFNJ 99.1, dans le plus beau spécial de musique surf dont quelqu'un peut rêver. On vient d'entendre un doublé de 1964, les fameux Ventures, juste après les Virtues, pour être bien sûr de les confondre. C'était Diamond Head, suivi du groupe des Pyramids avec Penetration, dont on dit que c'est le dernier grand hit surf. Et on continue, pas le temps de niaiser, deux chansons de Cowboy de 1961. La première, Ghost Riders in the Sky par les Ramrods au 99.1 CFNJ. Yeah. 99.1 et 88.9 CFNJ. Astronauts et Badja en 1963 sur les ondes du 99.1 et 88.9 CFNJ dans tout l'Anaudière. Vous écoutez Méloman Spécial Surf et c'était précédé des Centurions avec Bullwinkle Part 2 en 1962 et d'une des pièces les plus connues du genre Surf Wipeout des Surferists en 1963. Et juste avant, trois classiques du genre à part qu'on pourrait appeler la musique de guitare instrumentale. C'était pas encore tout à fait du surf, mais ça y ressemblait beaucoup et ça allait l'influencer directement. Les Ventures, d'ailleurs, faisaient partie de ces groupes-là. Ils vont se prêter à la musique surf, mais ils ont fait d'autres choses avant et après, d'ailleurs, la vague surf qui va durer à peine 7 ou 8 ans. Donc, voyez-vous, une grande influence laissée par un style qui est finalement juste une étoile filante dans l'histoire du rock. Mais pour revenir à la mode des groupes instrumentaux, juste avant le surf, on a entendu deux classiques du genre, soit Wheels, des String Alongs, une cha-cha comme il s'en fait plus, et l'excellente version d'Apache par le Danois Jørgen Ingmann, qui est, selon moi, la version d'Apache, même si elle a été composée originellement par les Shadows, un groupe d'Angleterre. Ah oui, et sans oublier la magnifique Mère Morte par le seul groupe québécois de la soirée, des Lavallois, en fait, les Jaguars en 1964. Trois chansons qu'on avait déjà entendues à l'émission, mais on ne pouvait pas faire autrement que de les réécouter dans le fameux spécial surf. Et on retourne en musique tout de suite avec The Markets et Out of Limits en 1963 au 99.1 CFNJ. Thank you. Vous êtes toujours sur les ondes du 99.1 CFNJ, en plein cœur du spécial Surf Méloman. Mathieu Lajoie avec vous jusqu'à minuit. On vient d'entendre The Revels avec Comanche de 1961, une des quelques chansons repopularisées en 94 par la bande sonore du film Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Une trame sonore qui va carrément faire connaître la musique surf à une nouvelle génération. Et c'est pas à dénigrer parce que ça a vraiment servi le style et ça lui a redonné ses lettres de noblesse en nous montrant combien c'était cool la musique surf. Et c'était précédé des Fireballs, un groupe un peu plus vieux du Nouveau-Mexique avec une pièce intitulée Un Vaquero, un terme qui désigne une espèce de cowboy mexicain. Et juste avant, encore ce Danois merveilleux, Jørgen Ingmann, avec une version magnifique du tango Jalousie de 1962, une pièce originellement composée en 1925 par Jacob Gad, lui aussi un Danois. Avouez que vous ne pensiez pas qu'on irait aussi loin que le Danemark pour un spécial surf. Et tout ça était précédé d'une autre qui nous a été repopularisée par Pulp Fiction, de Tornadoes en 62 avec Boston Surfboards. Et on y retourne, il y a de la belle vague. On va voir entre autres que le saxophone et le piano avaient aussi sa place dans la musique surf, même si la guitare en reste l'instrument de prédilection. On écoute The Bel Airs, à ne pas confondre avec le groupe québécois du même nom, avec Mr. Moto en 1961 au 99.1 CFNJ. CFNJ. incomparable, l'intemporel Sleepwalk de 1959 par Santo and Johnny au spécial Surf Méloman CFNJ 99.1. On l'a déjà entendu et je m'en fous, mesdames et messieurs. On va même la réentendre à l'occasion. Ça pourrait même être le second thème de l'émission. Donc, la magnifique Sleepwalk qui était précédée des Lively Ones avec Surf Rider de 63, composé par Noki Edwards des Ventures, qu'on a entendu juste avant avec l'incontournable Walk Don't Run de 1960. Minuit approche à grands pas et c'est pourquoi on retourne en musique aussi vite qu'on en est revenu. On va écouter Jim Messina, avec qui je vous ai cassé les oreilles dans les dernières semaines. Celui qui a fait partie du duo Loggins and Messina et de Buffalo Springfield avec Neil Young. Il a eu tout d'abord son groupe de surf complètement déjanté dans les années 60, soit les Jesters avec The Thing en 64, 99.1 CFNJ. Harbor Lights, des String Alongs de 1961, une autre qui était sur la cassette de mon oncle, précédée des Vampires avec Claptrap en 1959, c'est ce qu'on vient d'entendre au 99.1 et 88.9 CFNJ. Et c'est ce qui met fin au super doublé Surf and Turf de Méloman. J'espère que vous avez aimé comme des petits fous, comme moi je l'ai fait. Soyez des nôtres la semaine prochaine où on va se donner un break sur les spéciaux un peu et on va revenir à notre formule plus variée. Juste du bonbon, comme dirait l'autre. Donc je vous attends mercredi prochain, 21h. Bonne semaine et bonne nuit à vous. Mais je vous laisse avec une pièce de Duke Ellington, Caravan par Santo & Johnny. Bonne nuit.